Chapitre 2e. Impuissance d'aimer. Il était 11h30 lorsqu'Armand de Kern quitta la maison de la rue de la Rochefoucauld. Le vent avait balayé tous les nuages et le ciel était plein d'étoiles. « La belle nuit, » se dit Armand, « je marcherai jusque chez moi. » La course était longue, car il habitait dans le haut des Champs-Élysées rue Lincoln. Il avait là, au second, dans une aile en retour sur un jardin, un appartement qu'il s'était amusé autrefois à meubler d'une manière curieuse et recherchée, avec toutes sortes de bibelots anciens. Mais depuis combien de temps ne lui arrivait-il plus de passer la soirée dans ce home? Il suivait le trottoir de la rue Saint-Lazare, qui, après avoir commencé tout étroit et mince, s'élargit tout d'un coup comme un fleuve grossi d'affluents à partir de la place de la Trinité, lorsqu'elle reçut coup sur coup le flot de passants et de voitures charriées par les rues de Châteaudun, de la chaussée d'Antin et de Londres. Les fiacres roulaient, les omnibus détalaient, la foule ondoyait. Parfois, une fille se détachait d'un angle de porte et, avec des paroles obscènes, abordait le jeune homme qui l'écartait doucement de la main. Était-ce le contraste entre l'intimité du petit salon et l'infamie grouillante du trottoir? Armand se sentait mortellement triste. Il ne pouvait s'empêcher de revoir en pensée le visage d'Alfred et celui d'Hélène, tout près l'un de l'autre. Était-il jaloux, cependant? Non. Des images d'enfance lui revenaient, comme tout à l'heure, mais plus précises encore, qui lui montraient Chazelle vêtue de l'uniforme des Vanabost, une petite veste analogue à celle des barbistes. Ils allaient toujours ensemble dans les rangs. Pauvre Chazelle, il n'était pas riche. Le directeur de la pension l'avait pris comme boursier, dans le but d'en faire un élève réclame, une machine à gagner des prix de concours. Que deux fois Armand avait payé pour lui au petit guichet, où le concierge vendait aux élèves des confitures, des débris de marrons glacés, des éclairs et des crèmes parisiennes, tablettes de chocolat garnies à l'intérieur d'une liqueur épaisse et trop sucrée. Ils avaient fait toute leur classe ensemble depuis la quatrième, ensemble traversé les mauvais jours de la commune, quand, revenus tous deux de leur province après le siège, ils s'étaient trouvés bloqués à Paris. Alfred était ensuite entré à l'école polytechnique. Était-il assez risible, sous ce costume militaire, embarrassé de son épée, ne sachant comment poser son chapeau sur sa tête, toujours balafré de coups de rasoir maladroits, lorsqu'il venait, les mercredis et les dimanches, rendre visite à son ancien camarade, qui avait déjà passé la Seine, et commençait de mener l'existence d'un jeune homme riche et sans métier. Tandis qu'Alfred était à l'école des ponts, Armand voyageait. Il avait fait le tour du monde en compagnie d'un peintre amateur. À son retour, il ne trouvait plus son ami à Paris. Les lettres entre eux devenaient rares. Aurait-il su dire pourquoi? Armand peut-être. Il n'y avait plus un point commun entre sa vie et celle d'Alfred. Ce dernier avait épousé Mademoiselle de Vèvre. Ils étaient venus à Paris pour un petit voyage, et Armand se rappelait bien avoir été surpris délicieusement de la distinction d'Hélène, qu'il s'était attendu à trouver gauche, prétentieuse et mal fagotée. Mais à cette époque, il était occupé d'une autre femme, d'Aline, une fille entretenue pour laquelle il avait épousé le seul vrai sentiment dont il fut capable, une jalousie douloureuse et mélangée au délire des sens. Plus tard, quelqu'un lui avait parlé d'Hélène Chazelle, en lui racontant sur elle de vilaines histoires. Mais qui donc? Un autre camarade, élevé comme Alfred et lui à la pension Vanabost, le gros Lucien Rieux, mais dans un de ses déjeuners en tête-à-tête où l'ouverture du cœur accompagne habituellement celle des huîtres entre deux compagnons de collège. Et Lucien avait beaucoup bavardé, cordial, indiscret, intolérable, disant pêle-même ce qu'il savait sur tous les amis d'autrefois. Armand l'entendait encore qui, penché un peu en avant, l'œil allumé, la lèvre humide, ricanait. Ce pauvre Chazelle, il avait une tête à ça. Il paraît que sa femme lui en fait porter. On m'a dit le nom du monsieur. Marade, Tarade, attends, de Varade, un officier d'artillerie. C'était la fable de Bourges, mon cher. Il ne sortait pas de la maison. Un malheur du caractère d'Armand voulait qu'il ne pût résister à la tentation de la méfiance. Lorsqu'on lui affirmait le mal, il en gardait une impression ineffaçable, il n'y croyait pas tout à fait, et cependant il y croyait assez pour que le soupçon, et un soupçon efficace, s'installât en lui. Quand, voilà 10 mois, les Chazelle étaient venus s'établir à Paris, et quand Armand avait commencé de s'intéresser à Hélène, Peut-être les scrupules de l'amitié ancienne auraient-ils été plus forts que son caprice de curiosité, si la phrase du gros Rium ne s'était adressée devant son souvenir. Il s'était dit « Vraiment, ce serait trop bête. » Mot criminel, et qui sert aux hommes à se justifier de tant de lâcheté. Hélène n'avait pas tardé à lui montrer une sorte de passion qu'il avait attribuée à l'exaltation naturelle de la femme de province. « Je suis le premier Parisien qui lui fait la cour, » s'était-il dit encore, et comme elle avait une grâce charmante des gestes, une expression si douce du visage, quelque chose de si délicat tout ensemble et de si noble dans toute sa personne, il s'était complu à finir son éducation d'élégance tout en songeant qu'elle serait une délicieuse maîtresse. Mais elle se refusait depuis des jours et des jours à devenir réellement cette maîtresse, et cette résistance l'avait piqué au jeu. Il s'était acharné à la réduire en se souvenant de l'officier et en se disant que l'officier n'avait pas été le seul. Quelques conversations adroites avec Alfred lui avaient appris qu'à un moment Barad avait bien été le commensal de la maison. N'était-il pas de la même promotion de polytechnicien qu'Alfred? Armand n'avait plus eu de doute, et il avait vu, dans les refus d'Hélène de lui appartenir, une simple coquetterie. Or, semblable sur ce point à tous les hommes qui ont en eux l'étrange morale des séducteurs, de Kern considérait la coquetterie chez la femme comme la justification des pires procédés. Enfin, ce long siège aboutissait au résultat convoité. Madame Chazel lui avait accordé un rendez-vous pour le lendemain. Encore 24 heures, et il aurait une nouvelle maîtresse, aussi désirable, aussi jolie que celle dont le souvenir flattait le plus l'amour-propre de sa mémoire. Pourquoi donc, au lieu d'être heureux, se sentait-il si mortellement triste? Était-ce le remords de sa trahison envers son ami? Son ami? Est-ce qu'Alfred était vraiment son ami? Oui, cela était convenu entre eux et aux yeux des autres. Mais un ami, c'est un homme qui vous connaît et que l'on connaît, à qui l'on montre son cœur et qui vous montre le sien. Est-ce que jamais il irait conter une de ses espérances, une de ses joies, une de ses tristesses à cette machine à calcul qui s'appelait Chazel? Est-ce que ce dernier lui avait jamais fait une confidence? Tant mieux d'ailleurs, car elle devait être d'une fière niaiserie, les idées de ce bon élève qui semblait prendre la vie comme une besogne de collège prolongée. C'était le collège qui continuait à les lier l'un à l'autre et les souvenirs d'enfance. Leur enfance? Armand, qui tournait la rue Royale et gagnait les Champs-Élysées, se rappela soudain le défilé de la pension Van Abost le jeudi et la promenade, 3 par 3, sous la surveillance d'un pauvre diable de maître d'études qui cherchait à se dissimuler parmi les groupes pour avoir l'air d'un passant comme les autres et non pas d'un chien de cour chargé de garder un troupeau d'élèves. Et quel troupeau! La plupart avaient le teint pâli, les yeux creusés, un appauvrissement énervé de tout l'être qui disait de secrètes débauches. Que d'ignominie et de bassesse dans ce monde où les plus âgés avaient 19 ans, où les plus jeunes en avaient 8. Entre les murs de la prison, comme entre les murs du grand lycée où il se rendait 2 fois par jour, il n'était question que d'infâmes amours entre ces grands et ces petits. Parfois, ces amours contre nature, les unes étaient franchement sensuelles et avaient pour théâtre tous les coins des airs de la maison, depuis les dortoirs jusqu'à l'infirmerie. Et parmi les jeunes Français internés dans des collèges semblables, combien participaient à cette luxure et les autres se salissaient l'imagination en la repoussant. Il y avait aussi entre ces collégiens des liaisons exaltées et chastes. La lecture d'une certaine églogue de Virgile, d'un dialogue de Platon, de quelques sonnets de Shakespeare, montait la tête au plus littéraire, et Alfred Chazel avait un jour reçu, étant en 3e, une pièce de vers écrite par un rhétoricien de Henri IV, qui commençait par ce vers prodigieux, dont ils avaient ri comme des fous. « Alfred, mon pâle Alfred, mon aimé, mes délices !»« Ah, l'horrible, l'horrible endroit !» songea le jeune homme, en se souvenant de ce mélange de turpitude et de puérilité. Alfred et lui avaient été du petit nombre de ceux que la contagion n'avait pas atteints. Mais le plus grand avantage de ce dégoût avait été, pour lui du moins, de le conduire tout jeune à la poursuite des filles, et son initiation au plaisir naturel avait lieu dans la plus basse prostitution. « Et ce sont tous ces souvenirs de jeunesse que je respecterai, » se dit Armand, « parce que nous avons été compagnons de bagne, qu'est-ce que je lui dois ?» Non, 100 fois non, ce n'était pas cause d'Alfred qu'il se sentait si triste, tout en hâtant le pas et repoussant avec une demi-brutalité, cette fois, les mendiantes d'amour qu'il abordait de leurs phrases, toujours les mêmes. Ah, cette invincible tristesse, il la connaissait trop bien. Elle était venue trop souvent le mordre à la place malade de son cœur, depuis que les 30 000 francs de rente possédés à sa majorité lui avaient permis de vivre à sa fantaisie, et cette fantaisie s'était tournée aussitôt du côté des expériences sentimentales. Cette tristesse-là, cuisante et sèche, il l'avait subie, même tout jeune, chaque fois qu'il s'était trouvé à la veille d'un premier rendez-vous d'amour avec une maîtresse nouvelle, fût-ce la plus désirée. C'était comme une appréhension angoissée, une sourde, une obscure agonie de l'âme. Les premiers temps, il avait tour à tour attribué cet étrange phénomène à la timidité physique, au remords de n'être pas digne des sentiments qu'il pouvait inspirer, à des nostalgies de pureté. Il savait aujourd'hui le vrai mot de ces détresses momentanées, crise plus aiguë de la grande détresse qui faisait le fond morne de sa vie. C'était, hélas, la certitude plus présente, plus saisissable, de la puissance d'aimer. Il se demandait à cette minute, suis-je vraiment amoureux d'Hélène? Il ramassait tout son sens intime sur lui-même, comme un médecin qui cherche avec ses doigts le point douloureux d'un membre malade. Mais ce point d'amour, qui lui fait un si délicieux mal à rencontrer, Armand ne le rencontrait pas. Non, se répondait-il avec une mélancolie affreuse, mais avec courage, car à travers d'horribles défauts, il avait l'énergie d'oser se connaître. Non, je ne suis pas amoureux d'Hélène. Je la désire, parce qu'elle est belle. Je lui fais la cour, parce que je m'ennuie. Je me suis piqué au jeu parce qu'elle s'est refusée. De l'amour-propre et de la sensualité, avec le bas goût du romanesque, voilà le fond et le tréfonds. À quoi bon alors? À quoi bon? Pourquoi recommencer mon aventure avec Madame de Rugle? Et toutes les intrigues dans lesquelles l'avait précipité le goût dépravé de la séduction, qui avait été le vice fatal de sa jeunesse, lui revenaient à la fois dans le souvenir, avec la monotonie de leur plaisir, l'amertume de leur rupture, le vide écœurant de leur durée. À quoi bon celle-ci? À quoi bon celle-là? À quoi bon l'autre année, s'être amusé à se faire aimer de Juliette, l'institutrice des enfants d'une maison où il était reçu? À quoi bon cette comédie jouée à la petite mode, la jolie Anglaise rencontrée aux eaux? J'ai rêvé d'être un homme à bonne fortune, un don juanais. C'est à croire que le sort nous punit de nos mauvais rêves de jeunesse en les réalisant. J'ai eu des aventures de quoi flatter mon imbécile vanité. Quelle misère! De toutes ces femmes, dont il distinguait en pensée et les visages et les baisers, il n'y en avait pas une qui le rendût heureux, fût-ce un seul jour, et bizarre anomalie d'un cœur malade, il n'y en avait pas une qui ne lui fait souffrir par quelque côté. Grâce à quel désordre moral était-il voué à ce continuel désastre intime? Subir toutes les tortures de l'amour, la jalousie du présent, l'intolérable nausée du passé, la vision amère des perfidies de l'avenir, et jamais, jamais autre chose que de l'ivresse physique, sans cette extase de l'âme qui existait cependant, car il en avait vu avec tant d'envie la céleste expression sur le visage de quelques-unes de ses maîtresses. Une surtout se représentait à lui, une dont la conquête n'était point pour flatter sa fatuité, car ce n'était qu'une fille, c'est Aline, morte de la poitrine dans l'automne de 1800 et quelques. Il la revoyait avec ses yeux creusés, sa joue mince, et le mélange de candeur native et de corruption qui était en elle. Il la revoyait, soignant une petite sœur qu'elle avait prise avec elle, une enfant de 15 ans. Quelle bonhomie attendrissante dans le vice et quelle innocence dans l'infamie. Oui, Aline l'aimait, quoiqu'elle eût 3 ou 4 autres amants en même temps que lui. Son plaisir était d'emmener cette créature, jolie et perdue, à la campagne, pour jouir des enfantines poussées de paysannerie qui la faisaient cueillir des fleurs, écouter les oiseaux, s'appuyer à son bras comme si elle n'eût jamais exercé son hideux métier de galanterie. La mystérieuse chose que la mémoire. Il était à la veille de son premier rendez-vous avec Hélène, et voici qu'il s'attendrissait sur la pauvre Aline. Qu'il l'évoquait telle qu'il l'avait si souvent retrouvée dans son appartement du quartier latin, telle qu'il l'avait aimée ou presque aimée à de certains moments, un soir d'été, par exemple, qu'elle était assise à l'arrière d'un bateau manœuvré sur la Seine, par quatre rameurs de leur connaissance. Oui, elle était assise dans une robe claire, qui le regardait par-dessus les têtes tour à tour penchées et relevées des jeunes gens. Un silence tombait sur le fleuve. Une ligne orangée traînait au bord du ciel. Quelle inexprimable émotion lui avait noyé l'âme à sentir le temps qui passait, l'eau qui frémissait, l'être qui vivait et la lumière qui mourait. Il gravissait son escalier parmi ses pensées. Pourquoi cet incomplet fatal de toutes ses passions? Pourquoi était-il incapable d'arriver à cet absolu de tendresse qu'il concevait, qu'il entrevoyait, vers lequel il s'élançait à chaque nouvelle aventure? Puis rien. Que de chances réunies sur sa tête, cependant. Et tandis que son domestique le débarrassait de son pardessus et qu'il passait dans le salon où il lisait souvent le soir avant de se coucher, il les énumérait mentalement. Une fortune qui lui permettait de suivre ses caprices sans trop compter, un titre assez authentique et assez ancien pour tenir dans le monde le rang qui lui plaisait, une robustesse de santé qui n'avait pas souvenir d'une semaine de maladie, le goût des choses de l'intelligence, juste de quoi s'occuper sans se tourmenter, car, absolument dépourvu d'ambition personnelle, il n'avait pas cessé de s'intéresser en dilettante aux curiosités de la littérature et de l'art. Avec cela, il avait pour le lendemain un rendez-vous avec une femme charmante, qu'il désirait, et le feu des sens ne s'était pas amorti en lui par les désordres de sa vie. Pourquoi fallait-il que la perception d'une indéfinissable insuffisance de sa nature le rendit si triste à cette minute même? Il passa un veston de chambre, renvoya son domestique et s'installa au coin du feu dans son salon. Il évoqua de nouveau Hélène avec une précision de souvenir qui la lui rendit présente depuis ses bas mauves jusqu'au petit signe qu'elle avait là, au coin de la bouche, à droite. Eh bien, il ne l'aimait pas, il ne l'aimerait jamais. S'il avait espéré sentir par elle enfin ce sursaut suprême du cœur qui lui échappait sans cesse, il pouvait se dire que cette espérance avortait comme les autres, comme les autres. Et il éprouva le désir de se convaincre qu'il en avait été ainsi, toujours. Il alla ouvrir un coffret où se trouvaient empilés 6 ou 7 cahiers de grandeurs différentes. Les uns étaient formés de feuilles de papier écolier. Il y en avait 2 sur papier du Japon. C'étaient des journaux de sa vie pris et repris à des époques inégales. Il s'y rencontrait des pages griffonnées sur le pupitre de la salle d'études à la pension, des pages noircies à bord de bateaux, dans des chambres d'hôtel, dans ce salon même. Il prit ses cahiers et commença à les feuilleter, y retrouvant un mois ancien, tout pareil au mois d'aujourd'hui, par la précoce misanthropie, les fougues subites et passagères de sensualité, l'analyse meurtrière, la nostalgie impuissante d'une inaccessible douceur, la langueur oisive et l'incapacité de sentir jamais pleinement quoi que ce fût, être ou idée. Le tout avait fait de lui une espèce d'enfant du siècle à la date de 1885, mais sans élégie, un nihiliste à bonne fortune et sans déclamation. Voici quelques-uns des morceaux sur lesquels s'attardaient ses yeux, maintenant mornes et ternes, et qui eussent brisé le cœur d'Hélène, si douée du pouvoir magique de seconde vue, elle y avait retrouvé cette torpeur de tristesse que même le don de sa personne, après le don de toute son âme, était inhabile à secouer. Paris, mai 1871. Journées atroces. Vanabost vient nous dire hier à 1 heure qu'il faut nous préparer à quitter la pension, que les élèves de Sainte-Barbe sont déjà partis avec leur directeur. Le Panthéon est rempli de poudre et va sauter. Depuis le matin, la fusillade se rapprochait lentement, lentement. Étrange bruit. C'était comme si l'on eût secoué sur la ville des millions de noix dans quelques draps gigantesques. Du grenier, Alfred et moi, nous avions passé la matinée à voir se tordre sur le ciel les flammes de l'incendie. Il était tout triste, et moi, gai atrocement, d'une gaieté nerveuse, qui me forçait à dire des paradoxes outrageants. Était-ce des paradoxes? À propos de belles théories de notre professeur de philosophie la semaine dernière. Oh, ironie du sort! Sa dernière leçon roulait sur le progrès. Nous faisons nos paquets en hâte pour partir, quand un des maîtres arrive, affolé, par la petite porte de la rue Tournefort qu'il verrouille à l'intérieur. Il nous raconte que les fédérés ne laissent passer personne sur leurs barricades. Il a pu, lui-même, revenir à grand-peine. Nous voilà bien loin de ce garde national, bon enfant, qui nous disait, aux portes du lycée, lundi, « Criez, vive la commune, enfant, vous êtes libre !» Manabost était blanc comme mon papier en écoutant ces nouvelles. Le pion eut l'idée de faire étendre des matelas au milieu de la cour. Si le panthéon saute, nous nous effondrerons plus doucement. Nous sommes demeurés environ 2 heures dans cette angoisse, les 14 élèves que nous étions, les 2 maîtres et le directeur. Alfred et moi, nous causions dans un coin, bizarre contradiction, presque tranquille. Malgré la fusillade toujours proche et les balles qui claquaient contre les murs à 100 pas peut-être, nous n'avions ni l'un ni l'autre la sensation du réel. Le danger nous paraissait quelque chose de lointain, de vague, presque d'abstrait. Et nous causions de quoi? De notre enfance. « Il a été heureux, me disait-il, même ici. » Pour une fois, je lui ai vidé mon cœur et montré ce que je pensais du lupanar scolaire où l'égoïsme de mon tuteur m'avait fait grandir. Après tout, j'aime encore mieux ce bagne que sa maison. À travers ce bavardage inutile, la fusillade se rapproche. Le panthéon ne saute pas. Soudain, un d'entre nous descend avec un grand cri de l'étage supérieur où il s'est mis à la fenêtre au risque de recevoir une balle. Les chasseurs sont au bout de la rue. Ça a été la minute la plus angoissante. Mon cœur battait à se rompre. J'avais la gorge serrée dans l'attente de ce qu'allait se passer. Le danger indéterminé m'avait laissé calme. Le fait précis, brutal et présent me faisait mal. Quelques coups de fusil éclatent tout près. Puis, de furieux appels de crosse ébranlent la porte. Le même pion qui avait montré du sang-froid en imaginant la précaution des matelas se précipite à temps pour relever les fusils braqués de 2 chasseurs noirs de poudre, les yeux brûlants de fureur, et qui nous auraient tiré dessus au hasard dans le tas si l'autre n'avait pas été là. Un lieutenant arrive, petit, en bottes jaunes, la jugulaire au menton, le pistolet au poing. Panabost lui parle, nous sommes sauvés. Tout cela, c'était hier. Aujourd'hui, nous revoici en étude, symbole de notre vie enfantine au milieu de ce tumulte de l'action. Je feuillette un bouquin de philosophie spiritualiste avec les délices du mépris, et après avoir lu des phrases officielles sur Dieu, l'âme immortelle, l'adoucissement des mœurs, la liberté morale, la raison intuitive, je ferme les yeux et je vois la place du Panthéon durant la nuit d'hier. Les morts couchés, avec leurs pieds nus parce qu'on leur a volé leurs souliers, le crâne défoncé parce qu'on a fini de les mieux tuer à coups de crosse, les flaques de sang qui gluaient sous nos semelles, d'autres flammes d'incendie dans le ciel au loin et sur le trottoir, couchés à même la paille et dormant, comme des bêtes fatiguées, les petits chasseurs qui ont pris le quartier. Homo homini lupior lupis. Dieppe, juillet 1874. La fille ressemble à la mère. Elle n'a que 12 ans. Et déjà je saisis la coquetterie, les œillades, l'éveil de la femme en présence de l'homme. Et cela finira comme pour la mère. Un mariage de convenance, de premières étourderies, un premier amant, puis une série, jusqu'à quelques jeunes barons de Kern, auxquels on essaiera de faire croire qu'on n'a jamais aimé que lui, et qui le croira peut-être, plus bête ou plus intelligent que moi. Oui, plus intelligent. Car en amour, la grande affaire est d'avoir le plus d'émotions possible. Et la vraie du prix, c'est de se paralyser le cœur à force de lucidité. Entre le Valmont des liaisons, mon cher Valmont. Et la présidente, qui a été dupe? Elle qui a senti ou lui qui a calculé? Entre Elvire et Don Juan, qui ne comprend qu'Elvire est la seule enviable, puisqu'elle a pu se griser de tendresse et lui non? Je sais tout cela. Mais le démon intérieur est plus fort, et j'ai bien soin, aussitôt que je fais la cour à une femme, de me procurer sur elle tous les renseignements qui peuvent me rendre incapable de l'aimer. À mon âge, est-ce que je ne devrais pas écrire sur ce cahier, oh, sort divin, de m'avoir fait rencontrer si vite, la femme idéale, unique, l'âme sœur, etc. Il y faudrait de la musique de Gounod. Pas précisément, monsieur de Kern, mais une personne d'expérience qui a eu 5 ou 6 amants, qui a gardé assez de goût pour appeler sentiment ce qui est de la belle et bonne sensation et de la plus brutale. Une personne de tact, et qui s'est donné beaucoup de mal pour vous persuader que vous l'avez séduite. Du diable, si je lui en veux, par exemple, de cette charmante hypocrisie. Et puis à quoi bon en vouloir à qui que ce soit de quoi que ce soit? Chaque créature humaine est une petite montre prétentieuse, qui s'imagine, en voyant aller ses aiguilles, que c'est elle la cause de ce mouvement, sottise et vanité. Il y a un mince rouage intérieur qui gouverne le tout. Et ce rouage veut que Madame X soit une catin sentimentale, sa fille une future drôlesse, et moi, un débauché sans gaieté, qui me dessèche l'âme à constater tout cela, au lieu de jouir de ce que l'on me donne. Paris, 22 mai 1877. Soirée de folie, soirée de débauche, mais d'une débauche gaie et bien portante, qui est sans doute la vérité. Il n'y a plus qu'elle qui ne me laisse pas de rancœur. Je vais chez le peintre Duret avec ce mauvais sujet de René W. qui s'arrête d'abord rue de la Tour d'Auvergne pour demander Marie, une grande brune. « J'ai une Marie ici, » dit la concierge, « mais c'est une grande blonde, rousse même. » Et à la fenêtre du premier, je vois en effet une tête d'un blond chaud, une robe d'un bleu clair et vif, et un teint maquillé, rose d'un rose extravagant de poupée. Dans mes heures noires, l'ai-je assez connu, le charme avilissant et consolateur de ces beautés fardées, de ces corps tués, de ces yeux cerclés, de tout ce mensonge. Chez Duret, trouvez Léonie, le modèle, qui lui a posé sa Dalila du salon dernier. Une tête un peu fatiguée, le nez fin et busqué, les yeux noirs d'un noir luisant, le menton très accentué, avec quelque chose dans le profil de légèrement masculin, le masculin absurde des femmes de théâtre qui, je l'ai travesti, la figure longue. Mais cela, c'est le squelette de la tête. Les moustaches légères sont passées au noir, la bouche de la joue soulignée au noir, les yeux agrandis encore par le noir, le teint tout poudré, et la poudre mêlée au rose pâle du sang donne à cette femme un je ne sais quoi de fou et de frelaté qui s'achève par la nacre brillante des dents, toute papillotante d'un éclat de perles faussement mouillées. La toilette achève la femme. C'est autour du cou une étoffe de gaze noire, un chapeau garni de gaze et de fleurs, une étoffe de robe chinée et frisée, avec une énorme rose rouge éclatant sur le sein gauche. C'est une femme de luxe, dit René par ironie. Et c'est vrai qu'avec ce bout d'étoffe, cette gaze et cette fleur, elle a l'air d'une créature qui ne vit que de superflu. Je lui fais la cour, je lui plais, et je ne suis sorti de chez elle que ce matin. Oh, charme d'essence, lorsque la surcharge de la pensée ne vient pas gâter l'ivresse animale. Ô charme des prostituées, vues ainsi comme les dispensatrices du plaisir sans le trouble du cœur. Ne pas se demander si l'on aime, si l'on est aimé, ni comment. Ne pas comparer sa sensation à un type idéal de sentiment que l'on aperçoit, que l'on pressent, que l'on ne sentira jamais. J'écris ces lignes, et déjà voici que ma jouissance est évaporée. J'écris ces lignes, et cependant, sur une terrasse solitaire, devant un paysage d'arbres et d'eau, une femme apparut qui eut les yeux de mon ancien rêve, ces yeux que je connais sans les avoir jamais rencontrés, qu'elle me jura que cette vie n'a été qu'un mauvais sommeil. Et il faudrait qu'elle pût tout me dire, et que ce tout me la rendît plus chère. Alors j'aimerais. Paris, juin 1879. Déjeuner, dîner, dîner, déjeuner, soirée, rendez-vous, rendez-vous, soirée. Ah, que ma vie est vide! Je ne fais rien de ce que j'aime, non, mais que j'aime, car je n'aime rien. Devant l'être vivant, rien dans le cœur que de la pitié pour lui qui souffre, s'il souffre, qui souffrira, puisqu'il subit le mal d'être. Si la mort, l'inévitable mort, n'était ni physiquement douloureuse dans le passage de la vie à elle, ni pour l'imagination, effrayante par son lendemain, ah, comme j'irais à elle, dont la pensée m'a tant gâté la vie! On dure, pourquoi? On pense, pourquoi? Pourquoi à table, entre deux verres de vin fin et des épaules nues, l'image du tombeau me vient-elle sans cesse? Et l'insoluble question sur le sens de cette farce meurtrière qu'est la nature, le monde, la vie? Je songe aux délices de l'amour partagé, rêve absurde, que la civilisation vient greffer sur le simple besoin d'accouplement. Ah, un sentiment tout simple, qui appliqua ma sensibilité tout entière contre un autre être, comme un papier mouillé contre une vitre. Et toute cette philosophie déclamatoire, pour avoir revu hier aux Français Madame de Rugle, et que cette vue ne m'ait pas donné ça d'émotion. Que dit la logique? Ne pas se forcer à s'attendrir quand on se constate sec, et tourner les talons en sifflant la polonaise de Chopin, qu'elle me jouait parfois le soir, avec tant d'intention et de poétisme. Il ne reste que cela de ce sentiment. Paris, janvier 1881. Je constate que je suis devenu horriblement, férocement égoïste. Et c'est aujourd'hui que les manifestations extérieures de cet égoïsme me choquent. Tandis que je m'y abandonnais sans scrupule autrefois, dans un temps où je valais pourtant mieux qu'aujourd'hui, par mon rêve sur moi-même. Philosopher sur soi sans mensonge soulage comme de vomir sa bile. Je cherche l'histoire de mon caractère depuis mon enfance. Je vois mon imagination excessive et qui a détruit ma sensibilité en faisant toujours se dresser entre moi et la réalité une idée façonnée d'avance. Je m'attendais à sentir d'une certaine manière et puis ce n'était jamais cela. Cette même imagination, assombrie par les mauvais traitements de mon oncle, s'est tournée aussi en défiance. J'ai toujours redouté tous les êtres. La privation de mon père et de ma mère a empêché que ce défaut premier fût corrigé. La vie de collège et la littérature moderne m'ont souillé la pensée avant que j'eusse vécu. Cette même littérature m'a détaché de la religion à 15 ans. L'impiété m'a séduit comme une élégance. Oh, honte! Les massacres de la Commune m'ont révélé le fond de l'homme, et les intrigues des années suivantes, le fond de la politique. J'avais besoin de me rattacher à quelque grande idée, mais laquelle? J'avais mesuré tout jeune la misère d'une existence d'artiste. Il y faut du génie, ou bien ne pas s'en mêler. Être le 50e parmi les écrivains ou les musiciens, merci. Ma fortune m'exemptait du métier. Entrer dans quelque conseil d'État, aux affaires étrangères, dans un bureau, et pourquoi? Il n'y a déjà que trop de fonctionnaires. Me marier? L'idée d'enchaîner ma vie ne m'a jamais tenté. J'aurais fait comme B, qui a pris le train, le jour de ses noces, pour ne pas revenir. Alors quoi? Alors rien. Je ne suis pas même vieux de cœur, je suis avorté. Mes aventures sentimentales, poursuivies malgré tout, parce que les femmes sont encore ce qui m'est le moins indifférent, m'ont convaincu, hélas, qu'il n'est pas de baiser qui ne ressemble à des baisers déjà donnés et reçus. Tout cela est si court, si superficiel, si vain. Ah, que je serais désespéré de penser à moi-même, à ce moi que je ne pourrais jamais renoncer tout à fait, si j'y pensais souvent. Qu'est-ce autre chose que la damnation des mystiques, le non-amour? C'était là quelques pages entre beaucoup d'autres, et cette abominable monographie d'une maladie secrète de l'âme se prolongeait dans des centaines de confidences pareilles. Souvent, la date du jour était simplement écrite avec 2 ou 3 faits. Monter à cheval, faire des visites, passer au club, théâtre le soir, ou soirée, ou bal, et puis un seul mot comme refrain, spleen. En tête du dernier de ses cahiers, et quand Armand l'eut refermé, il put lire la liste adressée de toutes ces années depuis 1860 et quelques, et après chaque date, il avait griffonné « supplice ». Et à la fin, cette phrase « Je n'avais pas demandé la vie. Si j'ai commis des fautes et d'affreuses, j'ai connu des misères à pouvoir, ayant mis les unes et les autres en regard, dire à l'inconcevable puissance qui m'a créé, qui me soutient, si une telle puissance a un cœur, ayez pitié de moi. » Le jeune homme repoussa de la main ce tas de papier où il retrouvait une si fidèle image de son aridité morale d'aujourd'hui. Lentement, il se mit à marcher dans la pièce. Il y reconnaissait partout les mêmes traces de son nihilisme intime. La bibliothèque basse contenait peu de livres, ceux qu'il goûtait encore, des romans de desséchante analyse, les liaisons dangereuses, Adolphe, les affinités, des moralistes d'une misanthropie aiguë et retournée sur elle-même, comme Champfort, des mémoires. Les photographies éparses sur les murs lui rappelaient ses voyages, ses inutiles voyages, durant lesquels il n'avait pas trompé l'ennui. sur la cheminée, entre deux portraits d'amis morts, il maintenait une carte énigmatique où se trouvaient représentées deux femmes, la tête de l'une appuyée sur l'épaule de l'autre. C'était le souvenir, présent et comme vivant, d'une horrible histoire, celle de la plus amère infidélité qu'il eût subie. Il avait eu le cynisme ou la coquetterie d'en rire jadis avec les deux héroïnes, mais il en avait ri la mort dans le cœur. Et s'il avait retourné la photographie, il aurait pu y lire une espèce de madrigal ironique commençant « Est-ce un rival? Est-ce un ami? Peut-être tous les deux, madame. » Il eut, à la vue de tous ces objets, témoins de son existence, un si complet sentiment de sa misère sentimentale qu'il tordit ses mains en disant tout haut « Quelle vie, mon Dieu, quelle vie !» C'était à cause de passages semblables que sa bouche et ses yeux gardaient cette expression de silencieuse mélancolie, à laquelle il avait dû peut-être l'amour d'Hélène. C'est par la pitié que les plus nobles femmes se laissent prendre. Mais ces crises ne duraient jamais chez Armand. Les muscles étaient chez lui plus forts que les nerfs. Il reprit ses journaux, les jeta plutôt qu'il ne les rangea dans le coffret. « Voilà, » songea-t-il, « une intelligente occupation pour une veille de rendez-vous. » Sa pensée se retourna aussitôt vers Hélène. Le charme de distinction qui était en elle revint à son souvenir et l'attendrit soudain démesurément. « Pourquoi suis-je entré dans sa vie, dit-il, puisque je ne l'aime pas? Il y a 11 petits mois, elle ne me connaissait pas, elle était si tranquille. Il serait temps encore d'agir en honnête homme. » La tentation le prit de faire ce qu'il avait fait une fois déjà, renoncer, avant qu'il eût rien d'irréparable, à une aventure où il risquait de prendre un cœur sans donner le sien. Elle-même peut-être, se dit-il, et il s'assit à sa table. Il prépara même une feuille de papier pour lui écrire. Puis, se renversant sur son fauteuil, il songea. Le souvenir de Barade l'obséda tout d'un coup, et celui de la sérénité avec laquelle Hélène avait menti la veille à son mari. « Naïf enfant, dit-il tout haut, en se parlant à lui-même, si ce n'était pas moi, ce serait un autre. Une femme galante qui rencontre un libertin, les deux font la paire. » Il se mit à rire nerveusement, et se rappela de quel immense mépris l'avait couvert autrefois la personne à laquelle il avait renoncé par scrupule. C'était la seule ennemie qui le gardait parmi toutes celles dont il s'était occupé. La pendule sonna. « 2 heures, fit-il, et je dois me lever tôt pour aller jusque chez cette bonne Madame Palmyre, retenir un de ses petits appartements comme au temps de Madame de Rugle. Je serai fatigué. On regrettera, Monsieur de Barade. » Une demi-heure plus tard, il était couché, il dormait, la tête sur son bras, du sommeil de petit enfant qu'il avait conservé malgré la vie. Ainsi le représentait un dessin de son père, suspendu sur un des murs de sa chambre à coucher. Ah, si le mort et la morte dont il était le fils avaient pu le voir, l'aurait-il condamné? L'aurait-il plaint?